Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Aujourd'hui, un programme réduit. Voilà. Mais Martine, est-ce qu'on vous entend quand vous parlez dans le micro ? Mais est-ce que vous rapprochez peut-être le micro de vous ? Encore ? Là. Parfait. Et là, parlez. Bon ? Voilà. Très bien. On vous entend là ? On vous entend. On vous entend. Ouais. Et du coup, y a un débat aujourd'hui, quelque chose, une conversation sur... Sur les infirmières, mais il n'y a que moi qui ne les trouve pas gentilles, alors... On n'est pas sûr, vous savez, parfois, puis oui. on peut en tout cas en discuter. Ça dépend des infirmières, il y en a qui sont bien et d'autres qui n'en ont rien à faire. Ah. Oui, ce qui trouve tout le monde méchant, ouais. On ne va pas s'en sortir, ouais. Martine. Oui. Non, tout le monde n'est pas méchant, mais j'ai dit, il y en a qui sont méchantes quand même. tu sais, on est tous des êtres humains. Le mal existe. Oui. Martine, le mal existe. Oui. Mais si on obéit au mal, alors là, on ne va pas se sortir. Ouais. Si on obéit au mal, on va se bagarrer. Tous les jours, tout le temps. Martine. Il ne faut pas obéir au mal. On m'a dit à 50 ans, quelqu'un de voyante que j'ai trouvé pour elle, elle était voyante, elle était. Elle travaillait, elle avait la science et santé, sa religion. J'étais même une fois à son église à Paris, je ne sais pas où. Science et santé, elle m'avait dit, si vous obéissez au mal, et voilà, il ne faut pas obéir au mal. Mais qu'est-ce que le mal, comment on le reconnaît? Parce que parfois, c'est ça qui est compliqué. Écoutez, le Christ, il était dans le monde, on l'a fait du mal, il n'a jamais obéi au mal. Il s'est même laissé, comment dire, il a souffert, nos péchés, il était mort, il a souffert, on l'a fait du mal, on l'a tué. C'est nous qu'on l'a tué, le Christ. Et du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Il a donné sa vie pour nous. Il nous a montré le chemin. Il a mouru, il a donné son amour et son chemin. Et la route. Et aujourd'hui, en 2025, aujourd'hui alors, 2000 ans plus tard. C'est pareil, le mal existe toujours. Ça a toujours existé, le mal. Mais il ne faut pas obéir au mal. J'entends. C'est tout ce que je sais, je ne sais pas grand-chose à la vie. J'ai appris des petites choses, j'ai entendu des petites choses comme ça. Bah, c'est déjà pas mal. Je sais pas grand-chose. Ça me semble partir d'une bonne intention, en tout cas. C'est comme ça. Hein. On n'est pas parfait. Pourtant, on est venu parfait, mais on n'est pas parfait. Hein. On a deux nez bas. Tout le monde a des défauts et des qualités. Tout le monde. Les qualités, il y en a qui sont plus méchants que les autres. Oui. On a des exemples, nous, en bas. Oui. On a deux méchantes. En même plus. Alors tu vois, tu es d'accord avec moi. Ben oui, je sais, il y a des méchants. Mais ça, c'est les malades qui sont méchants. Non, c'est pas toujours les malades. Les infirmières, elles sont pas malades. Hein. Elles sont là pour nous soigner. Mais ils sont tous malades, on est tous malades. On est tous malades. On s'est tous drogués, en plus que les autres. Et en plus que les autres. Mmh. Écoutez, monsieur, dame, je vais vous dire une chose. Cette voyante qui a travaillé à 50 ans pour elle, elle m'a dit que le médicament qu'il faut le jeter à la poubelle. J'ai passé un jour, j'ai demandé un verre d'eau, j'avais envie d'aller aux toilettes, je venais de Livry, du dispensaire, le groupe. Et je passe, je suis venue à pied, je marchais à pied, bien sûr. J'ai demandé un verre d'eau l'après-midi, elle était là. Elle me donne un verre d'eau, je lui ai dit que j'étais à l'hôpital, j'ai un petit peu expliqué vite fait. Elle me dit, les médicaments, mettez-le à la poubelle. Elle avait raison, parce que les médicaments, ils nous guérissent. Les médicaments. Vous mettez là, je peux même vous laisser ma place, comme ça vous avez un micro directement. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez. Bien aimé. On est bien gardé, hein, oui. Tu sais, le diable, c'est le mal. Oui, je sais. Le mal existe, c'est le... Sinon, je pense que... Le diable, ça n'existe pas. Le diable, c'est le mal. Bien. Comment vous jouez? Non, mais là, c'est très bien, regardez-moi. Non, comme ça, vous. Et là, pas honte d'être avec nous. Avec moi. Mais c'est comme ça. Comment qu'elle s'appelle? Je ne sais même pas son prénom. Je n'aime pas. Elle a un nom spécial. Martin, on a un micro. Le micro volant ne... Vas-y. Allô, bienvenue à... Je ne me souviens plus de votre nom, madame. Quel demande, ce qui m'a volé. Moi, je m'appelle personne. Mon nom est personne. Bonjour personne. Et bienvenue et, parmi nous. Et Staline. Et Staline. Comment il s'appelle Staline? Joseph. Staline, Staline, qu'est-ce que tu fais? In, Staline. In. Staline. Staline, c'était qui? Un homme. Un dictateur. Un grand homme. Un grand homme. En quel sens? On peut être escroc, mais un bon escroc. C'était un bon escroc. Qu'est-ce qui vous est arrivé pendant les élections? Politique. Alors, est-ce que Madame Personne... C'est quelqu'un de... Aujourd'hui, non, vous dites pas Madame Personne, parce que je suis en train d'écouter... Bah, moi, je vous appelle comme vous m'avez demandé de vous appeler. Elle est intelligente. Drague. Ah oui. Vous drague. Est-ce que... Je vous drague pas, là. On commence, là. On est en 2022. Qui va manger? Arrête, t'as pas avec nous, Pedro. Qui va manger? Oh là là, j'aime bien. Maman, si tu voyais ma vie... Je pleure comme je ris. Là, je bats pour moi. Et mon avenir seul. Oh là là. Et mon cœur aussi. Et le temps défile comme un train. Bravo. C'est faire des choses. Moi, je suis à la soirée. Dans 10 minutes, on est en direct. Là. Dans elle est intelligente. Habla espagnol. Alors, vous connaissez Alfredo Balasque? J'ai pas compris. C'est la vie. C'est la vie. C'est drôle. Je suis malade. Moi aussi. Alors, c'est quoi cette chanson de la maladie? C'est comment? Alors, la maladie d'amour. Ça, hein. Mais vous savez la que maladie d'amour. On parle souvent ici, maladie, ça vient de maladire. C'est les choses qui sont mal dites. Quand on rit comme ça sans cesse. Quand on rit, quand on pleure. Ouais. Pas pleurer comme ça. Ah oui. Moi. Oh là là. Tu ne penseras plus. Aïe. Pour quelques souvenirs, je suis dans une cour et qui vous font pleurer. Ne dis rien si tu veux, mais sèche un peu tes yeux. Et ne crois pas surtout que nous autres on s'en fout. Tu sais. Il faut pleurer de temps en temps. Si tu ne pleures pas, c'est que tu n'es pas normal. J'irai pêcher normal. Pourquoi? Parce que je suis normal, il n'y a pas de tabouret. Tous les handicapés, les gens fatigués. Elle peut me donner 15 flacons, 16 ou 17 flacons, je n'irai plus. Il faut fermer cette boutique, il faut fermer cette boutique. Qu'est-ce que vous en pensez, Sirah? Je n'appelle jamais Sirah. Je n'appelle jamais Pedro. Docteur, je suis normal. Je suis sorti, je suis normal. Comme ça. Elle n'a même pas un tabouret. Est-ce que vous trouvez ça normal? Qui veut prendre la parole, monsieur? Ah, c'était bien, continuez. Les chansons, c'était bien. Continuez à chanter, c'est bien quand vous chantez. Vous avez une super voix. Ah oui, elle chante bien. Chante juste. Mamie, tais-toi. Écoute, il y a quelqu'un qui ouvre la porte, là. J'ai entendu des clés. Kéline, elle a dit, je vais appeler la police. Et j'ai cassé la clé en deux, mais j'ai jeté. Mais comme je travaille beaucoup, je vais au GEM, je travaille pour Dr Serrat, je travaille pour Dr Chantel, je travaille pour monsieur aussi. Le travail, si on ne travaille pas, on est mal, mais si on travaille trop, on est mal. Il faut juste ce milieu. Les deux, ils sont pas bons. Et c'est ici que j'ai appris à vivre. L'enfermement des fois, c'est vrai que je parlais pas, mais j'entendais tout. J'entendais tout, docteur. Et là, j'ai fait envie de pleurer parce que je vois mon voisin là. Je me souviens plus où il habitait. Pardon. Pourquoi? Parce que je comprenais pas que c'était des plans noirs. Pourquoi c'était des plans noirs hier? Pourquoi des planches noires, docteur? Pourquoi pas des planches blanches? Parce que j'ai travaillé aussi avec Patrice Vergerol et c'est une association Magnolia. Je crois qu'il est jaloux. Je veux le badge. Je veux un badge. Un vrai badge. Qui que je sors? Elle crèche pas. Elle est malade. Pour faire David. Elle est mieux foutue déjà. Qu'est-ce que je fais, docteur? I want to know. Perché? I want to know. D'accord. Pourquoi? Parce que je connais une modéliste. Et si vous achetez le tissu, docteur, vous me dites ce que vous voulez et elle vous fera ce que vous voulez. Un pantalon. Mais il faut choisir le tissu, la chaussure et la chemise. Elle s'appelle Zovig Koyumzan. Le moyen du genre. On les affiche. Ça c'est pas bien. Oui, c'est bien ce que vous faites. Hein. Vous parlez des choses et vous chantez en même temps. Je chante. Mais ça c'est pas bien. Parce que j'ai vu une petite faire comme ça. C'est quelqu'un de ma famille. Oui, mais là vous débouchez tout ça. Ici, quand vous êtes à la radio, vous enlevez tout type de couverture et vous pouvez parler librement. Mais c'est quoi votre accent, monsieur? C'est l'accent qui vient de Mars, de la planète Mars. Non. Mais oui, je m'appelle Martin. Martin vient de Mars. Comme le Martien. Chocolat, comme le chocolat. Ouais, on est deux. Ouais, il s'appelle Martin dans le service. Qui c'est qui peut payer à Mars parce que j'ai pas de sous? Le docteur, il veut pas que je sorte. Vous savez, le prénom Martin, ça vient de Mars. Martien. Ah. Ici, il y a un patient, il est sur Jupiter. Ouais, et moi, je suis sur Jupiter, sur Mars. C'est quoi votre planète préférée? La Terre. Ah oui? Le ciel. Vous connaissez l'antiterre? Non, vous savez, monsieur, je ne connais pas tout et. J'ai eu une aide ménagère qui m'a fait peur parce que elle m'a dit, mon père, il m'a dit qu'il fallait savoir souffrir. Alors j'ai dit, moi, mon père, le pauvre, il s'est cassé le col du fémur à cause de... Et il est éboueur et maintenant, bah, il est cantonné d'enfermement. On a mis des briques, on a mis toutes les salles au prix du monde. On va faire un américain. Mais est-ce que je peux continuer ou... Monsieur. Oh, les jolis. Allez, alors. Bon. Merci. Attends, t'entends pas bien? Je vais vous donner un conseil. J'écoute. Allez à Saint-Michel. À Saint-Michel. Il y a une boutique. À Saint-Michel. À Saint-Michel, il y a une boutique. À côté de la fontaine. Oui. Sur la gauche. Il n'y a que des bijoux en argent. Ah, ouais. Ah. Vous êtes pas vieille. Ah, Isabelle, on vous a pas entendu. À parler. Ça marche encore. Alors, Isabelle. Quand j'avais une quinzaine d'années, donc ça remonte, on allait entre copines aller à Saint-Michel. Ouais. Bon, il y avait la fontaine, il y avait le musée la Pompidou qui était en pleine construction, et il y avait effectivement beaucoup de boutiques qui vendait des bagues en argent. Et moi, j'adore les bijoux. Et j'en ai encore des bagues qui datent de cette époque. Et c'était pas ça cher bouge du pas. Tout. Ça bouge pas du non. tout. Non, non. Mais c'est là que vous allez, madame, je sais son prénom, joli. Fadila. Fadila, c'est là que vous y allez des fois quand vous... Fadilia, comme vous voulez. Au micro, Fadi. C'est là que vous allez. Alors, alors sur mes papiers, c'est Fadila. Et pour les intimes, c'est Fadi, parce qu'à l'époque, c'était difficile. Hein. Fadi, Nadia et Michel. Oui, Fadi, c'est là où que vous allez des fois quand vous partez de l'hôpital et on vous trouve sur Paris. Oui, monsieur. Oui. D'accord. Et je fais un séminaire. C'est-à-dire que je peux... Là, c'est des nagues. Je ne sais pas si c'est une contrefaçon ou pas. Mm-hmm. Mais monsieur, c'est une contrefaçon... Au début, je croyais que c'était du dain. J'ai une voisine, mon poissonnier, il m'a dit non. Ok. Il l'a touché, il n'y a pas du dain. Et qu'est-ce que vous aimez sur la terre? Qu'est-ce que vous préférez sur la Moi, terre? Moi, j'aime bien les fleurs, j'aime bien les hommes, j'aime bien les femmes. J'aime tout ce qui est naturel, moi. J'aime bien, bien manger. Et je peux faire un repas pour 10 personnes. Ah oui. Excusez-moi, je suis tombée. Et toute cette partie-là me fait mal. Mais là, ça va. Ah oui. Et quand on est malade, je fais soigner avec de l'huile d'olive de mon pays. J'ai quitté mon pays. J'ai quitté ma qui sont jolies, les filles de mon pays. Interrompu. Je ne sais pas chanter plus. Est-ce qu'ils sont jolis, les filles de mon pays? Ah, nanana, nanana, nanana. Ah, je ne sais pas, c'est feutre. Le ciel est bleu, le ciel est bleu, réveille-toi, réveille-toi. C'est un jour où nous vous faisons des cribes à la gauche. Momo, il s'appelle. Je voulais l'appeler, docteur, parce que j'ai eu un appel et Madame Bonnefoy m'a dit, vous pouvez, vous n'avez eu qu'un appel. Mais peut-être médecin. Non, elle m'a dit, demandez au médecin. J'ai un peu de... J'ai eu qu'un appel. C'est Est-ce que nos deux dames veulent bien parler de la journée du vendredi dernier, où on a fait une belle journée porte ouverte, avec beaucoup de visites. Porte ouverte, oui. Est-ce que Madame Santo se souvient? Vous étiez là? Oui, mercredi dernier, aujourd'hui, au vendredi, je ne sais plus. On est vendredi. Vendredi, oui, c'était vendredi. Madame Levasseur? Oui, c'était très bien. Je me suis, j'étais toute la journée ici avec eux. Ils ont été très sympathiques. Oui. Et puis après, je suis allée voir ce qui se passait de l'autre côté. C'était très bien. Il y a eu beaucoup de monde, d'ailleurs. Oui. Moi, je suis d'abord... Pardon, excusez-moi. Je suis venue de l'autre côté d'abord et après on m'a dit qu'il y avait le journal ici. Je croyais que c'était aujourd'hui, mercredi prochain. Il m'a dit, non, non, il y a un journal, c'est Martine qui m'a dit. Et je suis venue là et voilà, j'étais contente. C'est vendredi. C'est sympa. Oui, oui, je suis venue à... Oui, vendredi, c'était exceptionnel parce que c'était ça. Porte ouverte. C'est ça. Je suis venue donc vendredi aussi, mercredi, vendredi. Et j'étais dans la salle, on a pris un... à boire, il y avait des gâteaux, il y avait des sympathiques. Ici, il est venu le maire de Bondy. Oui, on a vu M. le maire, oui. Vous le connaissez? Je le connais très bien, oui. Moi aussi, je connais, je l'ai dit dans les photos, dans la boîte à lettres. Qu'est-ce que ça vous fait que le service de psychiatrie où vous êtes hospitalisé reçoive tant de visites de gens de l'extérieur? De bonne humeur, oui, prêt à discuter. Je les ai vus seulement. Il ne nous a pas parlé à moi parce qu'ils sont de haute classe. Et moi, je n'ai pas parlé avec eux, mais je les ai vus. Ils sont venus peut-être. Ils sont venus, mais ils n'ont pas resté longtemps. Ils ont d'autres choses à faire. Je les ai vus. Et c'était monsieur le maire qui est d'autre. Là, il y avait ses adjoints, il y avait. Oui, le Centre communal d'action sociale, il y avait l'association Vise Sud-Or. Oui, ils étaient plusieurs. Pardon, ils étaient plusieurs. 50 personnes sont venues. 50 personnes? Ah, oui, un peu plus. Ah, oui, dans la salle, il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Oui, mais c'est magnifique, c'est parfait. C'était intéressant et j'étais contente de voir ces gens-là, gentils, sympas. Ils sont tous parlés, rigolés avec moi, avec nous. Je peux rigoler avec eux. Merci beaucoup. Je m'excuse surtout de mon comportement. Isabelle. Ce qui est bien, c'est que je trouve que, bon, on avait dit de 14h à 17h, mais ça s'est terminé à 18h30, un truc comme ça. Et moi, ce que j'ai trouvé ça bien, c'est qu'il y avait un turnover. Ils ne sont pas tous arrivés en même temps. Le maire est arrivé assez tard, hein, en plus. Hein, il devait être... Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais je peux te dire que j'ai quand même enregistré le groupe radio. Et alors, moi, je pars du principe que dès l'instant où quelqu'un met un pas dans cette salle, il est noté. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, là, en début, là, comme il n'y avait pas grand monde, j'ai dit que ça avait été un tabac pour moi, quoi. Et en fait, au groupe radio, il y a plus de 20 personnes. Il y a 20 personnes qui sont passées. Mais sans compter ces gens qui étaient devant et qui n'ont pas mis le pas. Et qui écoutaient, oui. Non, c'était une superbe journée. Et puis, on a eu du monde. On a eu beaucoup de monde. On a osé faire venir nos invités dans le service d'hospitalisation. Et tout ça a été très convivial, très amical. Personne n'a été effrayé. Aucun espace privé n'a été envahi. Et je crois que ça a permis à refabriquer des liens sociaux qui parfois manquent pour les personnes qui viennent ici. Et donc ça a été très très positif. L'extérieur et l'extérieur, l'intérieur et l'extérieur ne sont pas séparés par un mur. On peut entrer, on peut sortir. Non, puis moi je me rends compte, il y a aussi, parce que j'en ai fait plein de journées portes ouvertes. Alors, je me rappelle d'une période tout au début où on avait fait une journée porte ouverte, mais comme par hasard, il n'y avait eu que des médecins généralistes pratiquement qui étaient venus. Et là, j'ai trouvé que c'était les partenaires. Chez soi d'abord. Le dispositif d'aide à la coordination, le DAC. Ouais. Non, Isidore. Il y a eu plein. Il y a eu la maison de quartier de Mont-de-Bon. La maison de quartier de Bon du Sud. Non, il y a eu plein de monde. Adrien, c'est quoi le programme là? Continuons sur quel On va profiter aussi que notre chroniqueur de gastrosophie est là. Hein. Peut-être il va passer son. Va faire sa chronique tout de suite. Eh ben, soit on fait la chronique de gastrosophie tout de suite, soit Madame Levasseur et Madame Santos nous proposer une petite conversation, un petit débat. Non, mais j'aime bien, monsieur. Non, parce que notre chef d'épaule devient ici le chroniqueur de gastrosophie et là, il va nous parler, comme tous les mercredis, des rapports entre la gastronomie et la philosophie, c'est-à-dire l'art de savoir manger, se nourrir. Alors, d'une manière philosophique. Merci. Aujourd'hui, le thème que je viens de trouver en regardant les gens autour de moi, j'ai eu envie d'interroger les uns et les autres sur quelque chose que nous consommons tous sous différentes formes. Et comme l'automne est là et l'hiver arrive, j'aimerais bien qu'on discute à propos de la soupe. N'est-ce pas ? Nous avons tous un souvenir d'enfance concernant nos soupes d'enfance, n'est-ce pas ? Et il y a des soupes, disons, très carnées, il y a des soupes très légumineuses, il y a des soupes aux champignons, aux céréales, aux potirons, aux poulets. Et donc, c'est quelque chose qui nous réunit tous et différentes cultures produisent différentes soupes. Et quand je parle de soupe, tout le monde s'excite et il y a un souvenir, il y a quelque chose à dire. Pot-au-feu. Donc, je passe la parole à Isabelle, après je reprends la parole. Le pot-au-feu, il faut pas oublier. Vas-y, Isabelle. Ah ben là, en parlant de la soupe aux potirons, je crois souvent, que c'est pire des pires souvenirs que j'ai. Elle a parlé beaucoup de toi, Isabelle. Chez nous, les trois enfants ont détesté ça. C'est pas vrai. Si, mais moi je peux te le dire. C'est pas vrai. C'est resté, je n'arrive pas à manger du potiron. Et donc, mon père nous disait finis ta soupe. Oui. Mais tous les trois, on regardait notre mère et on disait non, on ne peut pas, maman, on ne peut pas. N'avait marre. C'était tous les jours la soupe. Ma mère discrètement envoyait mon père chercher quelque chose dans la chambre elle, elle sortait la crème fraîche en dessous et elle nous mettait plein de crème fraîche. On rajoutait un petit peu d'eau chaude et on finissait par la boire. Mais je vais vous dire, on la buvait cul sec. Et mon père était super content. Ça, c'est un souvenir qu'on a tous les trois encore, alors qu'on a tous les trois plus de 60 ans. Racontez-moi votre soupe, vous. Marre de manger la soupe tous les jours, quoi. Moi, ça n'existait pas la crème fraîche ni yaourt chez nous, ni frigo. On n'avait pas de frigo ni yaourt. Je ne connaissais pas yaourt ni crème fraîche, rien du tout. Ma soupe, c'était un légume en morceaux. Pommes de terre, pas de carottes, mais il n'y avait même pas beaucoup de carottes. Carottes, nabo, oui, c'est nabo, nab. Choux, des pâtes dedans. Il y avait du bœuf, quand c'est une espèce de bœuf. On avait l'huile aussi, à la viande, la viande de bœuf, de porc, comment on dit. Un petit morceau. Oui, mais un gros morceau, c'était coupé en morceaux pour chacun. De porc. Comment ça s'appelle? C'est pas gras. Demi-sel. Demi-sel, oui. Du lard. Du lard, oui. Du lard, le porc du village. Ah, acheté. Martine, avant, vous avez un souvenir de soupe? Oui, mais la soupe très du bon. Jardin, qui venait, les légumes venaient du jardin. Ah. Du jardin. Parce que c'est de la campagne. Vous êtes de quelle campagne, Martine? De la Normandie. Vous êtes normande? Oui. Ils mangent bien les Normands. Ah, ils mangent bien le Normand. Mais là, pour le coup, il y avait de la crème, n'est-ce pas, Martine? Ah oui, mais il y avait de la crème. Ah, parce qu'en Normandie, ça ne peut pas manquer, la crème. La crème et le beurre, ça connaît bien les Normands. J'avais le beurre. Pas trop de beurre. Pas trop de beurre. Il faut que ce soit mitigé. C'est-à-dire un petit peu de beurre et un peu de crème. Oui. Nous, on avait le beurre. Le matin, dans les tartines, le beurre. Et avec le café au lait. Non, je ne buvais pas de lait. Il y avait du lait de brebis, mais je n'aimais pas le lait. Mais à l'époque, c'était beaucoup le resto du cœur. Pardon? C'était dans quel coin? Moi, au Portugal. Dans quelle ville? Leiria. Il y a trop de fois. Leiria. Je suis née au Lourdes. Et mon mari, Barreiro. Il y a trop de choix. Frères et Colmeillas. Les gens sont hésitants. Conseil Leiria. Ta soupe? Si. Bah écoutez, la soupe, il y a trop de choix. Mais en effet, moi, comme Madame Levasseur, en tant que breton, je suis d'accord avec les Normands que le... Dans la soupe. Oui, la crème fraîche et le beurre. Par contre, le Mont-Saint-Michel, il est à nous. Oui. Je rigole, on ne va pas lancer notre débat. Moi, c'était soupe de légumes. Je rigole. Tout le temps, tous les jours de l'hiver. Ah oui, des croûtons, c'est vrai ça. Ou un peu de gruyère râpée. Adrien, il ne marche pas le micro de Martine, tu peux le régler un peu. La soupe à l'oignon aussi, c'est très bon. Ah, la soupe à l'oignon. On a commencé. Je ne sais pas si c'est une connexion. Essaye de connecter. J'aime faire la soupe à l'oignon, elle fait tout. Les oignons. Les oignons, en effet. À la Marianne. À la Marianne. Que de l'eau et des oignons. Allô, allô, allô. C'est pas ça, là. Agrandi, agrandi, agrandi. Continue, va. C'est le numéro 3. Non, c'est pas le 3. Vas-y, c'est pas le 3. Eh bien, allô, allô, allô. Alors, vous voyez bien que la soupe est un universel. Il y a la soupe, elle attire des souvenirs d'enfance, des bons souvenirs et des mauvais souvenirs. Mange ta soupe et va au lit. Il y a le seul plat de l'alimentation qui précède l'endormissement. Mange ta soupe et va au lit. C'est une expression française, n'est-ce pas? Il y a même une chanson à ce sujet. Et puis, c'est très nourrissant. Et puis, ça réutilise tout ce qui traîne, soit au frigo, soit au fond du placard. Et dans mon pays, c'est comme au Portugal. C'est des pâtes, des légumes, de la viande. Et c'est toujours différent parce que c'est ce qu'il y avait, en fait. Hein, des carottes, des patates, des choux. Des pâtes, des choux. Des pâtes. Pourquoi on dit impossible de pas français? Non, on n'avait pas Marcel, non. Ça n'existait pas, Marcel, chez nous. C'est un aliment très familier et qu'on aime détester, mais qu'on mange tout le temps. C'est-à-dire que des soupes, je pense, je ne sais pas beaucoup à la vie, des soupes, il y a beaucoup, beaucoup de variétés de soupes. Beaucoup de variétés. Fait maison. Beaucoup de variétés. Il y a des canards dedans. La soupe, mes voisins qui sont musulmans, ils m'ont donné la soupe. Je croyais que c'était du lapin. Dedans, la soupe, très bonne, très bonne. Les gâteaux de Ramadan, des fêtes. Alors, dans le centre de la France, il y a une coutume qui s'appelle faire chabrou. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire faire chabrou? Je ne sais pas. Oui, c'est la chèvre. Fromage de chèvre, chabrou, non? Non. Donc Isabelle va nous expliquer ce que c'est que faire chabrou avec sa soupe. Ah bah c'est surtout mes grands-parents, hein. Ça revient au, comme la soupe, tout à l'heure le potiron, il venait de chez mes grands-parents qui avaient leur jardin à cette époque-là, voilà. Et alors faire chabrou, je me rappelle, c'est mon grand-père qui mettait une petite goutte de vin dans sa soupe. Ah oui, on faisait ça. Mon père adoptif, il mettait ça, le vin dans sa soupe. Alors ça s'appelle faire chabrou. Avec les haricots. Ah, on mettait dans la soupe haricots rouges. Toutes sortes d'haricots. Tout à fait. C'était fort et bon. Il y a même la soupe de haricots. Haricots dedans, toujours. Les haricots fallait... de la maison, du jardin. Alors j'avais des oncles qui avaient plus de 18 ans. Du vin. Et la goutte de vin était... exclusif aux gens qui avaient plus de 21 ans, qui était l'âge de majorité. Vous n'avez pas droit de boire. Donc de mes vin. Oncles avaient droit à ce truc-là. Mais par contre, je vais vous dire un autre truc un peu à l'envers. C'est que quand j'étais chez mes grands-parents, il y avait ce qu'on appelait le trou normand. Oui, le trou normand. Et donc là, on avait droit à la glace avec un tout petit peu d'eau de vie que mon grand-père faisait lui-même. C'était du non de l'Essonne. Ah, de l'Essonne. C'était à base de pommes. Il faisait son cidre. Il faisait c'est le du cidre, voilà. Du cidre qu'on fait bouillir. De pommes. Un arbre de cerise. Nous on avait l'eau de vie. Parlez au micro. On avait l'eau de vie. Le vin. Ah, bon, dit, je fais une découverte. Il y a un arbre de cerise à l'eau de vie. Oui. À l'eau de vie.